السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الناس أو جان يقول الله جل في علاه في كتابه الكريم الله سبحانه وتعالى ديدن صنبل ليم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent et je ne recherche pas de par eux une quelconque subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent Certes Allah est le grand pourvoyeur et le détenteur de la force l'inébranlable وشاهدنا من هذه الآيات قوله تعالى إن الله هو الرزاق Et ce qui nous intéresse de ces versets n'est autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit que c'est lui le grand pourvoyeur. فالرزاق أي الكثير الرزق المتكفل به الرزاق c'est celui qui détient toute la subsistance Et c'est lui qui la gère. ونذير ذلك قوله تعالى Et en guise de comparaison à cela, l'autre parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Et certes, il n'y a pas une bête sur terre sans que sa subsistance incombe Ta'Allah Azza wa Jal. Il connaît certes son gîte, c'est-à-dire son abri, ainsi que son dépôt, c'est-à-dire l'endroit où il va se trouver. Et tout ceci est écrit dans un livre explicite. فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه هو المتفرد برزق عباده. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a donc clairement expliqué dans ces versets que c'est lui le seul qui s'occupe de subvenir à la subsistance ou d'accorder la subsistance à ses serviteurs. فيجب الإيمان بذلك واليقين. Donc il est important et obligatoire de croire en cela et d'y en avoir la ferme certitude. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان نبيه الأمين أسباب الرزق كلها. Et certes Allah سبحانه وتعالى a expliqué les causes qui font descendre sa subsistance. Il les a expliquées soit dans son livre ou soit dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. ومن أعظم الأسباب في جلب الرزق توحيده. Et fait partie et la plus grande des causes qui attire le risque, la subsistance d'Allah Azza wa Jal n'est autre que son unicité. Comme nous l'avons évoqué dans les versets précédemment cités. ومن أسباب الرزق أيضا التفرغ لعبادة الله عز وجل. Et aussi fait partie des causes qui attirent la subsistance d'Allah عز وجل le fait de vouer son temps dans l'adoration d'Allah سبحانه وتعالى. كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يقول كم سلا يريد أبو هريرة رضي الله عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ibn Adam tafarrag li'ibadati amla sadra ghina wa asudda faqra wa asuddu faqra. Ô fils d'Adam, passe ton temps dans mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et je dissiperai la pauvreté de toi. Wa illa taf'al mala'tu يديك شغلا ولم أسد فقرة ولم أسد فقرة. Et si tu ne le fais pas, je remplirai tes deux mains d'occupation. نعم. Et je ne dissiperai pas la pauvreté de toi. نعم. وإن حقيقة الغنى إنما هو ما في القلب. Et certes, la réelle richesse n'est autre que celle qui se trouve dans le cœur. Comme bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fima rawahu al-imam al-bukhari min hadith abi huraira radhiyallahu anhu. Comme cela a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-bukhari d'après un hadith de abi huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laysa al-ghina an kathrati al-arad wa innama al-ghina ghina an-nafs. Ce n'est pas la richesse, le fait d'avoir énormément de biens. Mais certes, la richesse n'est autre que la richesse de l'âme. نعم. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من رزق كفافا قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. Et certes, atteint la réussite celui qui s'est soumis à l'islam et dont la subsistance lui convient et qui se contente de ce qu'Allah lui donne. نعم. ومن أسباب الرزق التقوى. Et parmi les causes qui attirent la subsistance d'Allah عز وجل, le fait de faire preuve de crainte révérentielle. يقول الله جل في علا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Et celui qui craint Allah, Allah lui accorde alors une issue favorable et il lui fait descendre sa subsistance de là où il ne s'attend pas. ومن أسباب الرزق أيضا الدعاء. Il fait partie des causes qui attirent le risque, l'invocation d'Allah Azza wa Jal. كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم تلا يبنيد حديث سلمان الفارسي كرفقت الإمام الترمذي وكأوتنتفيه الإمام الألباني النبي صلى الله عليه وسلم قال للقفتة دي إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. Et certes, Allah est pudique et généreux et il a honte de son serviteur lorsque celui-ci élève ses deux mains vers le ciel. Il a honte de lui renvoyer ses deux mains sans rien. نعم. فالدعاء من أسباب الرزق وكذلك من أسباب الجالبة للرزق التوكل على الله عز وجل. Le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Comme a dit à Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Certes, si vous placez votre confiance avec une ferme conviction, Allah subhanahu wa ta'ala vous aura octroyé votre subsistance comme il l'octroie à l'oiseau lorsqu'il part le matin, le ventre vide et qu'il revient, le ventre plein. Na'am. Fa wa kadhalika min asbab al-rizq shiddat al-raghba fi ad-dar al-akhirah. Et fait partie des causes qui attirent le risque, la ferme ambition en vue de l'au-delà. كما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبروفيت صلى الله عليه وسلم دي من كانت الدنيا هم فرق الله عليه أمره وجعل بين عينيه فقره. Certes, celui dont l'ambition première n'est autre que ce ballon, Allah subhanahu wa ta'ala divisera son affaire et mettra devant ses yeux la pauvreté. Et ne lui parviendra de cette dunya que ce qui lui aura été écrit. Et celui dont l'au-delà est son ambition, jama'a Allah. Amra, Allah subhanahu wa ta'ala regroupera son affaire. وَجَعَلَ غِنَا فِي قَلْبِهِ. Et il mettra sur son cœur, ou il fera descendre dans son cœur, la richesse. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةً. Et certes, cette vie d'ici-bas lui viendra, même si toutefois celle-ci est contrainte. نعم. وَمِنْ أَسْبَابِ الرِّزْقِ كَذَلِكَ الْإِسْتِغْفَارِ. Et parmi les causes qui attirent le risque, le fait de rechercher ou de demander le pardon d'Allah Azza wa Jal. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ مُخْبِرًا عَنْ نُوحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Nuh, en évoquant le récit de Nuh, عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Et je leur ai dit, c'est-à-dire Nuh, il a dit à son peuple, recherchez ou demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, car certes c'est lui le grand pardonneur. Yursilis sama'a alaykum midarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Et certes, il vous accordera alors des biens ainsi que des enfants, et il vous accordera des jardins et des ruisseaux. Na'am. Wa min asbab ar-rizq talab al-'ilm ash-shar'i. Et parmi les causes qui attirent le risque, le fait de rechercher la science religieuse. Comme a dit Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Comme cela est venu de Anas ibn Malik. Annahu kana akhawan ala ahdi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ahaduhuma ya'ti al-Nabi عليه الصلاة والسلام والآخر يحترف كما الناس le rapporte. Il y avait deux personnes, deux frères au temps du prophète عليه الصلاة والسلام. L'un d'entre eux se rendait souvent chez le prophète عليه الصلاة والسلام et il prenait la science de lui عليه الصلاة والسلام, tandis que l'autre était occupé par son travail. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم. Et celui qui travaillait est venu se plaindre auprès du prophète عليه الصلاة والسلام de son frère, car il ne l'aidait pas dans les finances concernant leur demeure, et aussi parce qu'il était occupé à venir voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui répondit alors لَعَلَّكَ تُرْزَقْ بَهْ. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit il se peut que ta subsistance que tu reçois chaque jour ne provienne que de par sa cause, c'est-à-dire que de par la cause de celui qui se rendait chez le prophète عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن أسباب الرزق كذلك الزواج. Et parmi les causes qui attirent le risque, le mariage, قال الله سبحانه وتعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, que il dit, mariez les gens célibataires parmi vous, ainsi que les gens pieux, qu'ils soient hommes ou femmes. S'ils sont besogneux, certes Allah les enrichira de par sa grâce. Et certes la grâce d'Allah est immense. Na'am. Wa min asbab ar-rizq kadhalika silat ar-rahim. Et fait partie des causes de la subsistance le fait de lier les liens de parenté. يقول الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما c'est venu dans un hadith de Anas, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit من يسره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره. Qui n'aimerait pas que l'on lui étende sa subsistance, qui n'aimerait pas que l'on lui étende sa subsistance et que on lui oublie ses fautes. Donc celui qui veut cela, qu'il lie ses liens de parenté. Ou le hadith muttafaqun alayh. Na'am. Wa asbab ar-rizq kathira, kathira jidda. Innama hadhihi ba'daha wa minha kadhalika. Et les causes qui attirent le risque d'Allah Azza wa Jal sont nombreuses. Mais ce que nous évoquons ne sont qu'une partie infime. Et parmi ces causes, il y a le fait de remercier Allah Azza wa Jal. قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Et الله سبحانه وتعالى dit si votre Seigneur a certes proclamé que si vous le remerciez, certes il vous rajoutera. نعم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد, فأسباب الرزق كثيرة جدا, وإنما ذكرنا الرزق أو أسباب الرزق الحلال. نعم. إذ الرزق نوعان. Et certes les causes pour acquérir la subsistance d'Allah sont vraiment nombreuses. Et nous n'avons fait qu'évoquer une partie des causes qui attirent la subsistance licite. Car certes la subsistance est de deux sortes. Rizqun halalun zulal. Rizqun halalun zulal. Wa rizqun haramun wabal. Et certes le risque est de deux sortes. Une subsistance qui est licite, purement licite, et une subsistance qui est interdite et qui reviendra sur celui qui la recherche. Na'am. فينبغي على العبد أن يحرص كل الحرص في تحصيل الرزق الحلال فإنه بركة عظيمة بركة إلهية عظيمة. Et donc le serviteur se doit de rechercher la subsistance permise. Car certes, ceci est une énorme baraka divine. Naam. Wa yajtanib al-rizq al-haram alladhi huwa fi al-haqiqa nadama alayh fi al-dunya wa fi al-akhirati ashaq. Et il se doit de s'éloigner, de consommer une subsistance qui est interdite. Car certes, la subsistance qui est interdite dans ce bas monde sera pour lui un regret, et dans l'au-delà sera encore pire. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الغفاري عليه رحمة الله أو رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما الحديث إلى أن قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Et le prophète sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: certes, je compte pour vous vos bonnes œuvres. Et celui qui trouvera, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour des comptes, celui qui trouvera du bien, qu'il remercie et qu'il fasse la louange à Allah, Azza wa Jal. Et celui qui trouvera du mal, ou autre que cela, فَلَا يَلُمَّنَّ إِلَّا نَفْسَهُ, qu'il ne brame que lui-même. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.